Au roulement de la voiture, Steinbock quitta Valérie, qu'il tenait par la taille, et il prit un journal dans la lecture duquel on le trouva tout absorbé. Valérie brodait, avec une attention minutieuse, des pantoufles à son futur. « Comme on la calomnie !» dit Lisbeth à l'oreille de Crevel sur le seuil de la porte en lui montrant ce tableau. « Voyez sa coiffure. Est-elle dérangée ? À entendre Victorin, vous auriez pu surprendre deux tourtereaux au nid. »« Ma chère Lisbeth, » répondit Crevel en position, « vois-tu, pour faire d'une Aspasie une Lucrèce, il suffit de lui inspirer une passion. » « Ne vous ai-je pas toujours dit, » reprit Lisbeth, « que les femmes aiment les gros libertins comme vous ?»« Elles seraient d'ailleurs bien ingrates, » reprit Crevel, « car combien d'argent ai-je mis ici ? Grindot et moi seuls, nous le savons. » Et il montrait l'escalier.